allez. C'est pas une claquette, j'ai frit, j'ai pas le time de la détaille. Y'en a qui bronzent au soleil, mon petit, y'en a qui vont au charbon toute l'année. J'aurai 3-4 albums de prix avant de canner. Je veux ma peau, veux ma part, veux ma place. Mais fais des lettres, tu restes au fond de la classe. T'auras peut-être mon best, mais t'auras pas ma classe. Pendant que je serai dans le bateau, toi tu boiras la tasse. T'as blessé le salami, moi je fais ça la vie. Ça fait la famille pour payer des salabies. J'étais à l'ombre, j'suis sorti ma grande grotte. Un petit pardon ne vaut pas une grande faute. C'est souvent trop tard que tu t'en rends compte. Y'en a qui galèrent, qui pètent et qui se la racontent. Qu'on faire le bec, bec, bec. Ouais, sans faire le mec, mec, mec. J'suis pas seul dans ma chambre, chambre, chambre. C'est moi qui a pu rec, rec, rec. J'suis trop la haine mec, alors j'me vide oui. Sur la lune du plan, avec un peu de oui. J'reste cloué, j'vais changer le plan sur la carte. Mes frères se font écrouer, y'a qui gère oui car. Dis-moi qui veut ma part, me mélange pas très tabac. Y'a le peu bon dans la barque, va t'en voler là pour m'abattre. Dis-moi qui veut ma part. Smoke, smoke, flic, flic, fuck, fuck. Ouais, j'hésite, la beule choque. J'fais un leasing ou j'sors une lock. Que j'envoie de la patate et ouais, j'rappe sa date. Tu veux me niquer à moi, va la faire à d'autres. Équipé sur le T-Max dans le BM ou le 4x4. Sur nous, un couteau ou un bout de quête-quête. Les M10, nickel, ouais, j'arrache des gueules, des cales. Tu mets pas devant quand j'décolle. Viens dans mon monde, j'y suis, j'suis des gueules, des cons. C'est pas ma faute, c'est quand j'rappe, j'rigole. Ouais, au quartier, y'a des murs et des murs. Quand j'sors de là-bas, je vois loin, je revis. Se faire trahir par un ami, c'est dur. Quand c'est moi qui en sort, je fais rien, j'me replie. Je veux faire un scandaleux. Dis-leur bien à tous là, qui me laissent. Sur les nerfs tous les jours, quand on a dit qu'au Fabio, Asdin, Wassim et Mousseless. J'reste cloué, j'vais changer le plan sur la carte. Mes frères se font écrouer, y'a qui j'aime ou y'a. Dis-moi qui veut ma part, j'me mélange pas très tabac. Y'a le peu bon dans la barque, va t'en voler pour m'abattre. Dis-moi qui veut ma part. Le peu pendant la barre, qui veut ta peau veut ta part. Ça sort les pecs à la barre, regarde tout le monde de travers dans le bar. Tu fais le gros, t'es une victime, j'aurais pas cru moi. T'as fait le plan de partout, tu te fais passer pour moi.